Bonjour Marie-Hélène, 15h30, Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Cent cinquante mille victimes, 100 000 par la violence franquiste, 50 000 par celle révolutionnaire. La guerre d'Espagne, c'est 88 000 disparus, le plus important chiffre au monde, juste après le Cambodge. Aujourd'hui, fosses charnières, camps de concentration mais aussi de travail sont fouillés, mettant au jour une violence chaude, puis institutionnelle, enfin symbolique, qui ne prendra fin qu'en 1975. Parce qu'il fouille cette période si tragique, j'ai rencontré Alfredo González Ruibal, chercheur à l'Institut des sciences du patrimoine du Conseil supérieur espagnol de la recherche scientifique. On calcule qu'il y a à peu près 2200 fosses communes en Espagne. En fait, c'est le deuxième pays au monde, après la Cambodge, qui a le nombre le plus grand des fosses communes. On a exhumé 6000 corps à peu près, mais on doit penser que la violence politique il a causé 150 000 mortes parmi les républicains, 50 000 morts parmi les partidaires des Franco, de la droite. Mais ces 50 000 personnes qui étaient de droite, ils ont été exhumés après la guerre. C'était seulement les républicains qui n'en étaient pas exhumés. Donc aujourd'hui, si l'on ouvre une fosse commune, ou on va dire un charnier de la guerre d'Espagne, on a toutes les chances de tomber sur un charnier républicain ? Oui, peut-être 99% de tous les charniers qu'on connaît sont de la violence franquiste, de la violence fasciste, pas de la violence républicaine. Il y a très peu d'exemples des charniers qui n'ont été pas fouillés, des charniers produits par les républicains. Alors, faut-il être républicain pour fouiller donc ces charniers aujourd'hui en tant qu'archéologue ? Et pas du tout. Moi, je considère que l'archéologie de la guerre civile, c'est plutôt une métier archéologique, une métier scientifique. Alors, c'est un intérêt scientifique qui doit nous faire fouiller la guerre civile, qui doit nous faire étudier la guerre civile. Mais c'est vrai que la plupart des archéologues qui travaillent avec la guerre civile, qui font la recherche de la guerre civile, ils sont sinon pas ouvertement républicains. C'est vrai qu'ils sont des sympathies par la République. Et je crois que ça c'est assez normal. En fait, je crois que serait assez dangereux qu'il y ait encore des archéologues en Espagne qui ont des sympathies par le régime de Francisco Franco. Et votre famille, c'est une question très personnelle, était plutôt républicaine ou plutôt franquiste ? Ma famille était complètement franquiste. Avant la guerre, ils n'étaient pas, mes parents n'étaient pas nécessairement franquistes, bien sûr, n'étaient pas fascistes, mais ils étaient des gens de droite. Et des frères de mon grand-parent ont été tués par des révolutionnaires en 1936. Et après ça, ma famille, comme beaucoup de familles, on considérait que le franquisme était la solution pour l'Espagne. Alors c'était une famille totalement, complètement partidaire des Franco. Mais ça ne m'empêche pas d'étudier, bien sûr, la République, d'étudier la guerre civile. Je dirais que c'est par contre ce passé familial qui m'a fait étudier la guerre civile, l'histoire de la guerre. Alors vous avez fait une conférence qui s'intitule 1936-1975, la guerre d'Espagne. Pour moi, en 75, ce n'est plus la guerre d'Espagne. C'est bien fini depuis bien longtemps. On peut parler des trois étages dans la guerre d'Espagne. On peut parler de la guerre militaire, que c'est la guerre que tout le monde connaît, de 1936 à 1939. Après ça, il y a de la guerre contre la guerrilla antifranquiste, les maquis. Ça a fini en 1948-1949. Ce n'est pas de la guerre avec des tranchées et tout ça, mais c'est de la guerre quand même. C'est de la guerre sale parce qu'on a des tortures, on a des gens qui sont exécutés de façon illégale quelquefois, de façon légale dans quelques occasions. Et après 1948, ça qu'on a, c'est une autre sorte de guerre, ce qu'on pourrait appeler la violence symbolique contre les vaincus. Et ça continuait jusqu'en 1975. Clausewitz a dit que La guerre, c'est la politique par d'autres moyens. Et je crois qu'on peut parler, dans le cas de l'Espagne de Franco, on peut dire que la politique a été la guerre par d'autres moyens. Alors bien sûr, nous allons parler de Charnier, républicain, mais nous allons aussi parler de ce que vous avez étudié aussi, à savoir des prisons. Alors comment étudie-t-on des prisons archéologiques du XXe siècle en Espagne ? Et là, il faut différencier les prisons des camps de concentration. Les camps de concentration, on peut les fouiller parce que les restes des camps de concentration sont, beaucoup de fois, ils sont des ruines. Il y a des fosses communes, il y a des ruines qu'on peut fouiller, comme on fouille une ville romaine. Mais avec les prisons, c'est quelque chose de différent parce que les bâtiments sont normalement très monumentaux. Ce n'est pas facile de fouiller, bien sûr, une prison, mais ce qu'on peut faire, c'est étudier l'architecture de la prison. Et c'est une des sciences qu'on a fait avec la prison de Carabanchel, qui était la prison la plus importante de l'Espagne. Elle a été bâtie juste après la fin de la guerre. C'était la prison la plus grande de l'Europe. Les camps de concentration, bien sûr, vous disiez que ça se fouille. Ils sont édifiés comment ? Sur quel modèle ? Proprement espagnol ou inspiré d'autres choses ? La plupart des camps de concentration en Espagne ont réutilisé des bâtiments qui existaient déjà, par exemple les écoles, les usines, des grands espaces industriels. Mais dans certains cas, ils ont construit des camps de concentration à nouveau. Et ça, c'est le cas dans des camps de concentration qu'on a fouillés au sud de l'Espagne, les camps de Castuera. Ça, c'était un des camps les plus grands de l'Espagne. Il avait 30 000 prisonniers. Alors, c'était vraiment l'échelle de ces camps de concentration était épouvantable. Et les modèles très pareil au camp de concentration qu'on connaît en Allemagne, qu'on connaît à la Russie. Je dirais que c'est un prototype de camp de concentration du XXe siècle qu'on connaît très bien et qui a ses origines à la fin du XIXe siècle. Donc des baraquements, des barbelés, des miradors ? Et oui, exactement. C'est tous les éléments qu'on connaît, tous ces éléments très iconiques qu'on identifie avec les camps de concentration. Oui. Et les barbelés, c'est bien sûr un des éléments les plus importants d'un point de vue symbolique et d'un point de vue pratique dans ces camps de concentration. Quelle est la chronologie de ces camps de concentration espagnols, de celui notamment que vous avez fouillé ? Les camps de concentration que j'ai fouillés, il a été occupé pendant 10 mois seulement, à la fin de la guerre, pendant 1939 et 1940. Alors c'est très intéressant d'un point de vue archéologique parce que tous les restes dans ces camps, ils appartiennent à la guerre civile ou à l'après-guerre. Ce n'est pas comme d'autres cas où on a des occupations récurrentes dans les mêmes espaces. Alors tous les éléments du camp de concentration étaient là. Les camps de concentration ont disparu de l'Espagne en 1947, après la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a un processus de changement des camps de concentration qui sont représentatifs de l'état d'exception en Espagne, les prisons. Après la guerre, en 1939, en 1940, il y avait beaucoup de camps de concentration. Après 1942, il y a plus de prisons que camps de concentration. Ça, c'est la normalisation du régime franquiste. Comment fouille-t-on un tel camp ? Alors, on en a quelques exemples. Il y a des fouilles de camps de concentration en Allemagne, en Pologne, Sobibor, Treblinka. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? L'espace qu'on a fouillé, principalement, c'est les latrines. Les latrines, c'est un espace très intéressant parce que là, on trouve beaucoup de restes. On trouve beaucoup les ordures du camp. Et alors, on trouve beaucoup de matériaux qui nous permettent de reconstruire la vie et la mort dans les camps. Mais les latrines sont aussi très intéressantes parce qu'ils sont un espace de châtiment. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les mémoires de tous les gens qui ont passé par des camps de concentration. La latrine comme un espace où nous sommes humiliés par les vainqueurs de la guerre parce qu'ils étaient des espaces publics. On devait faire toutes les choses devant tout le monde, devant les gares. Alors c'était un espace clairement d'humiliation. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a fouillé là, parce qu'on voulait comprendre mieux d'un point de vue purement matériel comme étaient ces châtiments, ces espaces de châtiments et d'humiliation. Et c'était très intéressant parce qu'on a découvert que ces latrines, elles n'étaient pas légales. même dans ces mondes complètement illégaux que les camps de concentration, il y avait des lois, il y avait des règlements qui nous disaient comment est-ce qu'on doit bâtir un camp de concentration, comment est-ce qu'il doit être organisé. Et on a découvert que les latrines de ces camps de concentration qu'on a fouillés, ils étaient illégaux même pour les règles des camps de concentration de Franco, parce qu'ils n'étaient pas assez profondes, ils étaient complètement antihygiéniques, ils étaient très près de l'espace d'habitation des prisonniers. Alors c'était un espace extrêmement sale, extrêmement public. Alors un espace d'humiliation, un espace de châtiment. Donc 30 000 personnes durant 10 mois, extrêmement confinées, c'est à peu près ça. Quelles sont les conditions de vie? Extrêmement dures, j'imagine. C'était les conditions, c'était c'est l'enfer, ça, parce que il y a beaucoup de gens, c'est les paisas, c'est un paisas désertique du sud de l'Espagne. Les prisonniers avaient de la soif continuellement. Il y avait de la faim, il y avait de la maladie. Et on a pu voir ça archéologiquement parce qu'on a trouvé beaucoup de médicaments. Et ces médicaments, on peut dire, ça c'est un signe de qu'il y a une préoccupation pour les prisonniers, mais ce n'est pas ça. Ce qu'on doit penser, c'est que la population qui est emprisonnée dans ces camps de concentration, c'est une population qui n'est pas susceptible d'être malade. Ce sont des gens qui ont entre 18 ans et 40 ans. Par contre, ce qu'on trouve, c'est beaucoup de médicaments qui montrent que cette population qui ne devrait avoir pas de maladies, ils sont en fait malades tout le temps. Et les médicaments, ils sont pour des choses très simples. Alors ce n'est pas des médicaments qui permettent de sauver la vie des gens dans les camps de concentration. Aussi par rapport à la nourriture, on n'a pas trouvé de la viande, on n'a pas trouvé des poissons. Ça c'est très différent des camps de prisonniers de guerre qu'on trouve en Allemagne, par exemple dans la Première Guerre mondiale. On trouve seulement des boîtes à sardines. Et ça c'est la diète, la nourriture des prisonniers. C'était vraiment pauvre. On peut imaginer dans ce cas qu'il y ait un espace funéraire? Oui, on a aussi fouillé des fosses communes où les républicains étaient tués. Les camps de concentration étaient d'abord un espace de classification. C'était un espace du pouvoir souverain. On décidait là quelles personnes avaient les droits de vivre ou pas. Et ces gens qui n'avaient pas les droits de vivre, ils s'étaient tués près du camp de concentration. Ils s'étaient inhumés dans des fosses communes près du camp de concentration. On a fouillé trois fosses communes, trois charniers, et ils représentent très bien la violence contre les prisonniers dans les camps de concentration. On a documenté des tortures, on a documenté des violences post-mortem avec les cadavres, et le nombre des assassinats était vraiment épouvantable. Seulement dans une des fosses communes, il y avait 20 des morts qui ont été tués probablement pendant la nuit, en 1940. Donc bien sûr, après la guerre, comment sont-ils tués? Qui sont les bourreaux? Il y a des différentes stratégies et ça c'est très intéressant parce qu'on peut documenter ça archéologiquement. Dans une des fosses qu'on a fouillées, on a trouvé qu'ils ont été exécutés par des soldats parce que la munition qu'on a trouvée est munition militaire. Les types de munitions qu'on utilise dans les rifles officiels de l'armée espagnole. Alors ils ont été tués d'une façon qu'on pourrait peut-être appeler légale, ça veut dire dedans la légalité franquiste. Un des autres fosses communes qu'on a fouillé, c'est plutôt de la violence illégale ou paralégale, parce que là, ils ont été tués avec des pistoles. Et on a identifié 5 types différents de pistoles. Ça veut dire que ce sont des civils qui vont au camp de concentration. Ils demandent aux autorités du camp de les donner des prisonniers. Ils sont des listes avec des noms. Je vais tuer 15 personnes. Et ces 15 personnes sont menées à disposition de ces gens, de ces fascistes qui viennent les demander. Et ils sont exécutés à 2 km du camp par des fascistes civils. Ils ne sont pas des militaires, ils ne sont pas de la police. Et ils utilisent leurs armes propres. Ils utilisent les armes qu'ils ont achetées pour les assassinats. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. J'imagine que vous avez fait de la médecine légale. On peut reconstituer ces exécutions, ces meurtres? On a certains cas où l'on a des fosses durant la guerre d'Espagne, où l'individu, la victime, est à genoux et on lui tire une balle dans la tête, dans la nuque. Ce genre de pratiques se font sur les fosses que vous avez fouillées? Il faut clarifier qu'on ne peut pas parler d'archéologie médico-légale en Espagne pour la guerre civile, parce que la loi n'a rien à voir avec ça. Il n'y a pas de processus légal, parce que ça s'est considéré quelque chose de purement archéologique. Ce n'est pas comme d'autres pays du monde où les crimes contre l'humanité, les délits contre l'humanité sont considérés quelque chose qui doit être jugé. Dans le cas de l'Espagne, il n'y a pas de processus légal. Alors on ne fait pas de l'archéologie médico-légale, on fait de l'anthropologie physique ou de l'archéologie anthropologique, mais c'est ça, c'est une distinction qui est importante d'un point de vue politique. Mais bien sûr, d'un point de vue scientifique, le travail qu'on fait avec les cadavres, c'est très pareil au travail que font les archéologues, les spécialistes médico-légaux ailleurs. Bien sûr, on peut reconstruire les processus des morts des gens, les blessures qui ont causé la mort, les tortures et tout ça. Et c'est très clair dans les cadavres qu'on fouille. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire dans quel contexte, comme le contexte des camps de concentration, et c'est de restituer la personnalité, la individualité aux gens qui ont été tués. Parce qu'on doit penser qu'on a 30 000 personnes dans ces camps de concentration. On a quelques listes de personnes qui ont été tuées, mais ces listes ne sont pas complètes. Alors, on a des cadavres qu'on ne peut pas associer directement à des noms spécifiques des gens. Mais pour nous, ça c'est bien sûr très important parce qu'on vraiment aimerait retourner ces cadavres aux parents de ces personnes, mais ça va être très difficile. Mais ça qu'on fait, et je crois que c'est important, on les restitue quelque partie de son humanité. Et je crois que c'est assez important. Oui, tout simplement, ce charnier n'est pas une tombe. Il n'y a pas de geste funéraire, c'est ça que vous voulez dire. C'est une sorte de poubelle, le charnier. Mm-hmm. Oui, certainement, ça c'est une bonne description, c'est une poubelle. Et on peut voir des signes d'acharnement avec les morts, avant la mort et après les morts. Comment cela se traduit-il ? Par exemple, ça c'est quelque chose qu'on peut voir dans les ossements, parce qu'il y a des blessures qui laissent une marque très claire aux ossements. Aussi, beaucoup des gens qui ont été exécutés, ils s'étaient liés par les mains, et ils ont été liés d'une façon qui les faisait mal, clairement. Une façon de torture, on pourrait dire, et une façon d'humiliation. Ils ont été liés les uns avec les autres. Il y avait bien sûr le désir de s'acharner, mais aussi le désir d'humilier les vaincus. Dans les fosses, ils ont été jetés. Comment sont-ils ? Ils sont jetés de toutes les façons. Il n'y a pas de l'ordre. Il y a beaucoup de cas différents. Il y a dans certaines situations, ils sont placés décubitus ventral, ça veut dire avec la face contre terre. L'idée, c'est que les morts doivent manger la terre. C'est une forme d'humiliation après la mort. C'est extrêmement symbolique d'être enterré face contre terre. C'est absolument... Aucune société ne fait ça. Hein. C'est absolument terrible. Et on doit penser aussi que la société espagnole, aux années 30, aux années 40, était extrêmement catholique. Alors, ces violences contre les cadavres étaient doublement terribles parce qu'à ce moment-là, les gens considéraient qu'il y avait un mode très spécifique, très orthodoxe d'être mis dans les tombes. Alors, on doit penser que ces châtiments des morts étaient encore plus graves à ces périodes-là. Est-ce que les suppliciés, les condamnés, avaient encore des objets avec eux ? Et quel type d'objets, s'ils en avaient ? Les objets associés aux cadavres sont très intéressants parce qu'il y a une très grande quantité d'objets. Ils sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de récupérer l'humanité, comme je disais, de ces personnes qui ont été tuées. Et il y a des objets qui nous parlent de l'identité politique des tués, comme par exemple des médailles politiques du Parti communiste, du Parti socialiste, républicaine, etc. Mais il y a aussi éléments qui nous parlent de l'identité religieuse de ces personnes. Et c'est ça c'est particulièrement important parce qu'il y a toute cette propagande franquiste qui représente les républicaines comme s'ils étaient tous une masse de tueurs, de prêtres. Mais le fait, c'est qu'il y avait beaucoup de républicains qui étaient catholiques, comme les franquistes. Et dans les fosses communes, on trouve une radiographie de la société républicaine qui est très complexe, qui a beaucoup de nuances et qu'on ne trouve pas, bien sûr, dans la propagande républicaine, mais qu'on ne trouve pas aussi dans les propres textes qui ont été écrits par des républicains. Parce que les républicains, bien sûr, ils veulent décrire la société républicaine, ils veulent décrire les politiques républicaines d'une façon très homogène, très orthodoxe. Et le fait, c'est que les républicains étaient les hommes et les femmes républicains, ils étaient un groupe social très complexe avec des croyances très diverses. Et c'est quelque chose qu'on peut récupérer archéologiquement à travers des objets dans les fosses communes. Ce qui est aussi intéressant au travers de ces objets, c'est ce que vous trouvez, ce sont les derniers objets que l'on garde avec soi. Donc des objets de très forte valeur, ceux que l'on garde pour mourir. Mm-hmm. Dans certains cas, oui, c'est certainement ça. Et ce sont les objets que ces personnes ont pris quand ils savaient qu'ils allaient être tués. Ils ont décidé de prendre avec eux quelques objets très importants pour eux, par exemple des lettres. Dans quelques cas, on a récupéré des lettres, des papiers écrits par ces républicains. Mais dans d'autres cas, ils ont été tués sans qu'ils ont eu l'occasion de choisir les objets, leurs derniers objets. Oui. Ce camp est bien sûr un camp de concentration, avec forcément ses fosses et ses charniers. C'est aussi un camp de travail. On doit différencier ici le camp de concentration, qui est un camp de classification, du camp de travail. Les camps de travail, ils sont commencés à la fin de la guerre et ils ont été spécialement importants après 1944. À ce moment-là, le régime de Franco a vu que les Allemands n'allaient pas gagner la guerre mondiale. Alors ils ont changé la politique, ils ont laissé les éléments les plus fascistes. Et les camps de concentration, c'est bien sûr un élément très fasciste. Et ils ont transformé les régimes de châtiment, la technologie de châtiment, et l'ont fait plus humaine, si on peut l'appeler comme ça. Et les camps de travail, c'est une façon de faire cette économie du châtiment plus humaine, plus acceptable devant la communauté internationale. Et c'est vrai que les camps de travail, par rapport aux camps de concentration, c'est une place plus acceptable pour les prisonniers. Ce n'est pas un espace de torture et de mort comme les camps de concentration. On est toujours dans l'humiliation ? Il y a moins d'humiliation dans ce contexte. Il y a d'humiliation, bien sûr, mais c'est plus symbolique, c'est moins physique. Et il y a des choses qu'on peut interpréter comme de l'humiliation. Par exemple, dans les camps de travail, les parents des prisonniers peuvent vivre avec eux aux alentours du camp. Pas dans les camps, mais il y a des villes, il y a des villages qui ont été bâtis par la femme et les fils des prisonniers autour du camp de travail. Ça, c'est quelque chose qui fait de l'espace du camp de travail un espace plus humain. Mais en même temps, c'est quelque chose de terrible, parce qu'on doit penser que de cette façon, on fait les femmes et les garçons, ils doivent partager les châtiments des prisonniers, parce qu'ils vivent dans des conditions épouvantables dans les camps de travail. Ces camps de travail succèdent les camps de concentration, c'est-à-dire qu'on a d'abord les camps de concentration, ensuite les camps de travail. Il s'achève à peu près à quelle période ? Le dernier camp de travail a fermé en 1970 avec des prisonniers politiques. Alors il y avait encore des prisonniers politiques, beaucoup de prisonniers politiques faisant des travaux forcés en 1960, en 1950. Mais ils n'étaient plus liés à la guerre d'Espagne. En 1950, 1955, il y avait beaucoup de prisonniers encore liés à la guerre d'Espagne qui étaient dans des camps de travail. Après ça, c'était beaucoup de prisonniers communs et de prisonniers politiques qui ont été jugés par des crimes politiques récents. Il y a un gros travail de mémoire autour de ces charniers, de ces vestiges de la guerre d'Espagne en Espagne. C'est plutôt un travail qui a été développé par des familles, par des associations. Ce n'est pas un travail prioritairement scientifique. En fait, c'est juste le contraire. Les archéologues, les chercheurs ont arrivé, je dirais qu'un peu tard, à l'étude de la guerre civile. C'était au commencement, c'était une chose purement sociale, c'était une chose politique. C'était une nécessité de récupérer les corps, de les enterrer dignement, qui a fait que l'archéologie de la guerre civile s'est développée. Et après ça, c'était les archéologues qui sont allés à faire les fouilles, à étudier la guerre civile d'une façon archéologique, d'une façon scientifique. Les familles recherchent encore les corps de leurs parents ? Oui, c'est plutôt les grands-fils des gens qui ont été tués pendant la guerre, parce qu'on parle ici des choses qui ont passé il y a 77 ans, presque 80 ans. Alors c'est plutôt des gens jeunes qui font ce travail. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a pas d'argent pour faire ce type de recherche. On peut la faire d'un point de vue scientifique, je n'ai pas de problème, ou pas un grand problème pour trouver de l'argent pour faire des fouilles d'une perspective purement scientifique. Mais les gens qui veulent récupérer les corps de son grand-parent, de son mari, ce n'est pas possible maintenant. Il doit le faire sans l'appui de l'État, basiquement. Il y a des camps de concentration, des camps de travail, des charniers. Est-ce que vous avez, en tant qu'archéologue, couvert l'ensemble du spectre donc, de la période franquiste ? Il y a encore des choses que je n'ai pas encore étudiées, que mes collègues n'ont pas encore étudiées. Et à ce moment-là, on est en train de fouiller une ville qui a été détruite pendant la guerre et n'était pas reconstruite après la guerre. C'est la ville de Belchite. Il est encore un symbole de la guerre d'Espagne. Il a un poids très important, un poids symbolique très important pour les Espagnols, parce que l'idée c'est que cette ville, les ruines de cette ville, devraient être le symbole de la violence communiste, de la violence de la République. Alors ça qu'on fait maintenant, c'est fouiller ces ruines d'une façon littérale. On fait des fouilles archéologiques dans les ruines de la ville parce qu'on veut savoir comment était la vie de la population civile pendant la guerre. Mais on fait aussi une fouille métaphorique. Ce qu'on veut faire, c'est déconstruire les symboles franquistes de la ville en ruine. Et on veut savoir qu'est-ce qu'il s'est passé vraiment dans ces villes pendant la guerre et après la guerre. Et l'autre thème qu'on n'a pas encore étudié, c'est la guérilla antifranquiste. On a fouillé des charniers avec des cadavres des combattants dans la guérilla, dans la résistance, mais on n'a pas encore fouillé les camps de la guérilla, les paysages de la guérilla. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans les années prochaines. Et peut-être le champ de bataille, vous n'avez pas étudié le champ de bataille. Et oui, le champ de bataille, on l'a étudié. Oui, on a étudié plusieurs camps de bataille. Très fameux comme la bataille de Madrid, on l'a fouillé. On a commencé en fait l'archéologie de la guerre civile, je l'ai commencé avec l'archéologie de la bataille de Madrid. Et ça a été un projet très intéressant parce que ce qu'on a fait est fouiller notre université. Parce que la bataille de Madrid, elle s'est déroulée dans l'université de Madrid. Et il y a encore beaucoup de tranchées. Ils ont été transformés en jardins après la guerre. Les gens ne savaient pas que ces tranchées étaient les tranchées de la guerre. Ils pensaient que c'était les jardins de l'université. Et ce qu'on a fait, on a montré la communauté universitaire et la cité de Madrid que les traces de la guerre étaient encore là. Ce qui est très intéressant, c'est que les traces qui ont été conservées, c'était les traces des républicains, parce que les tranchées de Franco, ils ont été détruits par des nouveaux bâtiments après la guerre. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a les paysages de la victoire qui étaient construits par Franco après la guerre, avec les arcs de triomphe et tout ça. Et on a les paysages des vanquis, qui sont les tranchées qui ont été oubliées, qui sont partout dans l'université. La semaine prochaine, le Salon Noir sera sur le terrain, sur les fouilles de Port-en-Bessin. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Kevin Lebar, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster l'émission sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, les nouvelles vagues de Marie Richeux.